La structure mentale. Pour que l'ego possède, dans les années à venir, une structure mentale équivalente au choc qu'il subira, il lui appartiendra d'élever son mental à une conscience beaucoup plus grande que celle que nous voyons aujourd'hui en société. La structure mentale est faite de trois états. Il y a l'état inférieur, il y a l'état intermédiaire et il y a la structure mentale du mental supérieur. La structure mentale inférieure est composée du corps émotif qui fait vibrer dans l'ego une conscience astrale. Ensuite, vous avez un corps intermédiaire qui se situe entre l'intellect et l'émotion. Cette structure mentale-là permet à philosopher sur la vie et à la comprendre, sans toutefois toucher à une structure beaucoup plus grande et large de la vie, pour comprendre les événements qui viendront. La structure mentale qui agit sur une conscience au-delà de la réflexion s'appelle la conscience supramentale. Vous avez dans cette conscience l'opportunité de saisir que tout ce qui se passera dans les années à venir a une raison d'être. Cela ne signifie pas qu'il faut en arriver à des scénarios apocalyptiques, mais bien à s'assurer de ne pas tergiverser vers davantage de crainte. Pour que le mental puisse s'élever en conscience et en vibration, cela implique que l'ego se désengage de ce qu'il vit. On ne peut pas comprendre le coronavirus et on ne peut pas saisir non plus l'urgence planétaire climatique qui en suivra avec des système scientifique, puisque ceci ne s'applique pas à l'émergence d'une conscience qui doit être renouvelée sans cesse. Au cours des âges, il y a toujours eu des chocs, et il y en aura toujours, mais les chocs qui viendront sont très différents de ceux qui ont été, par le passé, amenés sur la Terre pour faire évoluer les sociétés et les masses. Ce qui se passe présentement, c'est la conscience de l'individu qui doit s'élever. Une conscience de masse ne peut pas servir à permettre à comprendre qu'est-ce que le coronavirus, ou à comprendre ou à saisir dans le futur pourquoi la Terre sera conjointement confrontée à un exercice économique et sociaux pour faire apparaître dans la conscience de l'individu une plus grande autonomie. Le mental inférieur a ici pour objet de faire vibrer l'ego à une capacité de crainte qu'il ne comprend jamais. Et c'est pour cela que le mental inférieur ne pourra jamais amener une personne à élever sa conscience au-delà de l'événement. L'ego est figé dans l'événement parce qu'il craint le pire et il ne peut pas non plus s'attaquer librement avec une façon plus claire et nette aux pensées qui traverse son mental, puisque celles-ci sont déjà et reposent déjà sur de la crainte, de la mémoire, et servent comme dispositif d'allumer dans l'ego tout simplement des réactions émotives. Pour qu'il s'ensuive une certaine compréhension, l'ego peut en arriver aussi à philosopher sur la vie, qui représente le stade intermédiaire, c'est-à-dire que l'homme peut réfléchir la vie et il peut la penser et y ajouter des belles phrases et aussi des valeurs qui pourront le sécuriser. Par exemple, de dire que le temps arrange les choses, c'est une valeur philosophique. Mais est-ce que le temps arrange vraiment les choses? Le temps permet tout simplement d'absorber ce qu'on a à absorber. Et parfois, cela ne suffit pas car la vitesse de propagation d'une réalité peut dépasser la capacité de l'ego de la gérer. Et s'il n'y a pas à ce temps une compréhension plus grande de ce que veut dire une vie sur la Terre, l'ego ne peut pas ajouter à sa vie la saveur unique de savoir que tout ce qui se passe, si ce n'est pas investigué d'une façon neutre et froide, il n'y a pas d'avenir pour cet ego. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plus nous avancerons dans les effectifs d'une conscience à définir au niveau de la capacité de l'homme à s'instruire de la vie sans se réfléchir, plus il y aura des nécessités et des urgences au niveau planétaire. Et ces urgences exigeront des gouvernements que ceux-ci se mettent en place d'une façon très structurée afin que le chaos soit minimisé dans tous ses sens. Mais nous n'en sommes pas là encore, car le coronavirus et tous les aspects qui sont liés à cette crise planétaire de pandémie reflètent simplement qu'il y a une fragilité dans le mental de l'individu qui sera désormais plus grande en lui, parce que l'incertitude à venir composera aussi avec les réalités économiques et climatologiques, dans le sens que il n'y aura pas de recette magique à ce qui viendra. Tout ce qui a été repris dans les années 30, au temps de la grande crise et de la dépression, seront mis en place de nouveau pour relancer l'économie. Mais cela ne veut pas dire que l'économie repartira d'une façon aussi grande et qu'elle pourra assumer pendant des années à l'homme une autonomie face aux événements à venir. Les continents ne seront pas frappés de la même manière, et c'est pour cela qu'il faut dans l'homme une conscience supramentale qui lui permettra de se situer, lui, là où il est présentement. Et il ne faut pas voir et penser qu'il y a des endroits protégés. Il n'y a pas d'endroit protégé sur la Terre en tant que tel, sinon que le mental de l'individu de se protéger et de savoir, en tant que personne, où l'on doit être et comment on doit gérer une situation pour en venir efficacement, avec les années, à saisir que tout ce qui se passera sur la Terre est une nécessité afin de mieux définir qu'est-ce que la vie dans un ego. Et puisque l'homme n'a pas la structure mentale pour saisir qu'est-ce que la vie dans un ego, celle-ci sera forcée sur lui à travers les événements. Donc, la première structure mentale à acquérir à un ego qui entre dans la conscience sera toujours celle de savoir que les pensées ne viennent pas de lui. Et lorsque ceci ébranle la structure mentale de l'ego, cela veut dire qu'il y a une ouverture qui se crée au niveau de la conscience de la personne. Qu'est-ce que cette ouverture? Cette ouverture met en place la capacité de l'ego à pouvoir ouvrir sa conscience sur la possibilité que tout ce qu'il savait avant est peut-être insuffisant. Et quand l'homme commence à comprendre que ce qu'il a vécu auparavant est insuffisant pour l'amener à saisir de plus grandes choses et de plus grandes réalités, c'est à ce moment que son ego peut explorer la nécessité de regarder une à une ses pensées. Il n'y aura jamais dans des grands chocs des pensées plus grandes que celles de la crainte pour faire agir un ego. Donc, si une personne regarde comment les événements qui se passent aujourd'hui agissent sur sa pensée, elle pourra voir où se situent ses craintes. Est-ce qu'elles sont financières, sociales ou simplement psychomatiques? Donc, il y a une grande capacité de l'individu à se réinventer lorsqu'un choc se passe. Mais ce choc ne sert pas simplement non plus à tout le monde. Pour qu'il se réinvente, ce monde doit aussi avoir une capacité de regarder où la Terre doit aller pour permettre dans la descente d'une personne son individualité face à la crise. Si nous regardons toutes les situations qui découleront dans les années à venir, il y aura toujours l'émergence de la crainte et la panique qui peut s'emparer des masses. Ainsi, vous pouvez gérer, à partir de votre conscience, la masse psychique mondiale de la crainte, qui se nomme ainsi parce qu'il s'agit d'un égrégore qui pousse à travers le collectif émotif qui amène dans la conscience de la masse l'impression que la vie n'a pas de sens. Et la vie a toujours un sens. Soit que dans une structure mentale où l'homme a accès à une conscience supérieure, il est ordonné et automatiquement poussé dans sa conscience la certitude que la Terre n'est pas une réalité finale à la vie, soit que l'homme peut mourir et devenir immortel en conscience du simple fait qu'il sait que la vie sur la Terre est un processus d'évolution. Mais lorsqu'on est confronté à une structure mentale inférieure, vous prenez une personne qui émotivement ne peut pas saisir que la vie dépasse l'entendement simplement physique de la Terre et que celle-ci se situe à des niveaux psychiques et à des stades de conscience totalement vibratoires. C'est pour cela d'ailleurs que nous appelons une conscience de masse une conscience qui ne peut rien face au choc de l'avenir, parce que la conscience de masse est réunie sous la tutelle de la croyance, de croire finalement que possiblement il y a une façon de vivre sa vie sur la Terre et d'être épargné. La seule façon pour une conscience de s'épargner le flux incessant des émotions qui viendront et du caractère totalement impersonnel de réalité qui auront à frapper la Terre, parce que cela est impersonnel. Il n'y a pas de direction qui fait en sorte que des peuples seront épargnés. Tout est impersonnel et s'il y a une conscience individuelle qui doit naître, elle naîtra, cette conscience individuelle-là, supportée par d'autres consciences qui, elles aussi, seront individuelles. Pour amener un ego à avoir une structure mentale qui se définit selon une conscience supramentale, il doit, en premier lieu, comme on le disait plus tôt, être en mesure de voir que la pensée vient d'ailleurs. Par la suite, qu'est-ce que la conscience supramentale ou un mental supérieur peut exiger d'une conscience ou d'un ego? Elle va exiger deux choses. D'abord, qu'elle soit neutre. Si elle n'est pas neutre, elle ne peut pas être objective face à la réalité de ce que vit l'ego et de ce qui se passe en elle. La personne, par la suite, doit aussi être en mesure de questionner sa vie. Si elle ne peut pas questionner sa vie et regarder dans tous les aspects avec une étude beaucoup plus froide que chaude, elle verra où elle donne des valeurs qui ne sont pas réelles. Supposons que vous avez la valeur de vouloir que les gens ne soient pas trop épargnés par les chocs à venir, cela est une valeur spirituelle. Et cette valeur fait en sorte que vous n'êtes pas en mesure d'être neutre dans l'étude d'une réalité. Pourquoi est-ce que les chocs à venir ébranleront trop donc la structure mentale des égaux? Simplement parce qu'il n'y a pas dans ces structures mentales de capacité de l'homme à se restreindre dans son égo à la compréhension unique que tout ce qui se passe sur la Terre a un but évolutif. Et tant qu'une personne ne peut pas regarder le point de vue évolutif des forces de la lumière sur sa vie, elle ne peut pas acquérir de neutralité. C'est donc pour cela que le deuxième élément de la neutralité à l'intérieur d'un ego est très important pour donner à une structure mentale la puissance de saisir qu'elle doit étudier sa vie d'une façon objective. Et si vous n'êtes pas objectif, vous êtes aussi peut-être dans la philosophie, et c'est-à-dire que vous avez une conscience réflexive très forte, qui permet alors, dans une spiritualité approfondie, d'espérer que les forces de la lumière vous épargneront. Et c'est encore là, de la spiritualité, une valeur qui ne pourra pas vous protéger et vous donner la volonté d'étudier davantage votre vie. Donc, la structure mentale, c'est la possibilité de l'ego d'étudier sans crainte ce qui se passe. Et lorsque cette structure n'est pas capable d'entrer dans la conscience d'une personne aussitôt qu'il y a un choc, cela veut dire que la personne n'est pas préparée. Est-ce qu'on peut se préparer à avoir une conscience supramentale supérieure dans les années à venir? Non, on ne peut pas se préparer à avoir une conscience supramentale. On peut simplement s'élever en vibration et saisir que tout ce qui gravite autour de soi a peut-être la volonté de nous instruire d'une réalité qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que si vous êtes froid et neutre dans un événement, cela veut dire que vous pouvez observer facilement ce qui se passe à la télévision au niveau de n'importe quelle nouvelle et de prendre une distance. Si vous n'êtes pas en mesure de prendre de distance, cela veut dire que vous n'êtes pas froid. Donc, vous êtes en mesure à ce temps de saisir qu'il y a une réflexion qui se passe en lien avec ce que vous vivez intérieurement. Pour être neutre et être froid, l'ego aura toujours besoin de ceci, c'est qu'il a à mettre entre lui et ce qui se passe une distance. Lorsqu'on est prisonnier d'une réalité, cela implique ainsi donc que nous n'avons pas une structure mentale développée pour saisir qu'il y a un contact avec son double que l'on doit faire pour ne pas sombrer davantage dans la crainte. Puisqu'il y aura toujours dans une conscience inférieure ou une conscience intermédiaire de la crainte qui agira sur l'ego, c'est cela qu'il faut saisir, que dans la conscience supramentale, la crainte agira toujours, mais c'est elle que vous devez stopper ou bloquer avec l'étude pour ainsi gérer dans votre conscience un plus haut taux vibratoire. Ne pas étudier objectivement ce qui se passe équivaut tout de même à un corps émotif qui vibre. Et ce corps émotif, lorsqu'il vibre, il vous amènera toujours à ne pas être en mesure d'aller plus loin dans l'étude de ce que vous vivez et de ce que la société aura à vivre pour s'élever elle aussi en conscience. La structure mentale commence toujours dans la perception vibratoire que nous sommes intacts devant un événement. Par la suite, il s'agit de regarder les événements et ses pensées à l'intérieur d'une capacité de définir si on est neutre ou pas. Ensuite, lorsque l'étude nous présente que nous ne sommes pas neutres, il y a donc l'identification des craintes à l'intérieur de valeurs très précises qui nous font vibrer à de la crainte. Si vous êtes le moindrement spirituel, vous vous apercevrez très rapidement que la façon dont vous verrez les événements sont simplement une manière pour vous de vous protéger. Une personne peut très bien dire que les événements vont permettre dans les années futures un mieux-être. Mais ce futur peut être très lointain et ne pas s'appliquer dans votre vie. C'est pour cela que cette structure mentale est insuffisante et représente aussi un piège. La structure mentale qui élèvera l'ego au-delà de la forme est celle-ci. C'est le double, c'est le contact télépathique avec le double. Parce que lorsque vous aurez une réalité qui vous frappera, vous pourrez aller à l'intérieur et vous demander qu'est-ce qui se passe. Et si on vous dit que vous allez être malade pendant 3 semaines, que vous n'allez pas simplement trépasser ou mourir de la réalité, cela veut dire aussi que vous avez une force centrique. Cette force centrique, c'est ce qui vous amène à pouvoir voir que tout ce qui se passe dans la vie n'est pas nécessairement personnel. C'est une réalité impersonnelle que vous devez gérer et voir où vous devez aller pour vous situer ensuite par rapport à votre vie et les valeurs que vous devez lui donner pour saisir quel sera éventuellement le chemin que vous aurez à parcourir et asseoir dans votre conscience un mental froid. Lorsque la conscience supramentale fera l'objet de grandes études en société, cela voudra dire aussi possiblement que la population mondiale aura nettement diminué. Et il ne faut pas voir ceci comme un portrait apocalyptique, c'est simplement que la nature psychique de l'homme à s'élever au-delà de ses craintes est très peu viable dans un monde où les forces astrales sont très présentes. Et les forces astrales, ce sont des structures mentales du bas inférieur de l'homme qui fait en sorte que ses corps sexuels ou son corps de désir vibrent énormément. Et tant que cette réalité n'aura pas disparu de la Terre, les hommes et les femmes qui graviteront autour de la conscience supramentale pourront saisir que tout ce qui revient à l'homme est nécessairement ce qui lui permet lui-même de saisir que la Terre sera mise elle-même en quarantaine. Elle sera mise en quarantaine pour l'épuration systématique de tout ce qui est de la crainte au niveau de l'ego. Et l'ego aura à gérer parfaitement les événements, car en gérant d'une science parfaite ce qui vient, il y aura de nouvelles réalités qui s'installeront dans son mental et de nouvelles ouvertures de conscience pour ainsi parler la vie et construire des ponts solides entre ce que l'homme doit être dans la matière et créer comme société aussi des mondes où la proximité entre les consciences permettra toujours à une descente des âmes futures sur la Terre à être davantage éduquées de la réalité de pourquoi ils viennent s'incarner. Lorsque nous regardons la situation actuelle sur la Terre, on remarque qu'il y a très peu d'âmes qui savent pourquoi ils se sont incarnés. Les gens vivent leur vie et d'une façon réflexive, ils font des choix qu'ils pensent être leurs choix, car ils considèrent simplement que la vie sur la Terre est une succession d'événements qui fait en sorte qu'ils n'ont pas à trop se questionner sur leur façon de gérer leur propre vie, alors que c'est tout le contraire qui se produira dans les années futures. La structure mentale est la capacité de l'ego à revisiter sans cesse ce qu'il vit. Et lorsque l'ego est apte à revisiter sans cesse ce qu'il vit, cela le place aussi dans une capacité de s'instruire. Et cette instruction vient d'où? Elle vient nécessairement de dialogue avec l'invisible et d'un dialogue avec le double. Si le double n'a réussi pas à vous parler, c'est parce que vous n'avez pas encore une structure mentale qui lui permet de vous parler. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas non plus arrêter l'autorité et exercer celle-ci pour que le double se rapproche de vous. Plus ce double se rapprochera de vous, plus vous aurez la mesure que votre structure mentale pour accéder à davantage d'informations doit être élevée en vibration. Car dans une structure mentale, il y a d'abord et uniquement la vibration de votre ego à saisir si une pensée est réelle ou une pensée est astrale. Lorsque on ne peut pas saisir qu'une pensée est astrale, on se fait incidemment varloper de gauche et à droite parce qu'il n'y a pas dans la structure mentale de la pensée d'éclaircissement en lien avec le devenir de ce que nous sommes. Et c'est là qu'une pensée est réelle, c'est qu'une pensée doit toujours servir à éclairer l'ego. Et lorsque l'homme possède la structure mentale de pouvoir s'éclairer, ceci veut aussi dire qu'il possède, cet ego, la vigilance de questionner la pensée. Une structure mentale adéquate, ça se construit. Comment cela se fait-il? Cela se fait progressivement en étant devant les événements neutre. Et si on n'arrive pas à s'amener à être neutre en une journée, on peut toujours le faire en 2 journées. Et il ne s'agit pas d'une vitesse d'exécution, mais il s'agit d'une prise de conscience qui doit se faire pour que se tasse dans l'ego la crainte. Et lorsque l'ego est capable de tasser ses craintes, il saisira aussi qu'il y a davantage dans la pensée qu'il reçoit dans son mental d'instruction. Cette instruction sert à 3 choses. À mettre en vibration l'ego et à le définir aussi face à des réalités qu'il ne pouvait pas voir. Et troisièmement, elle lui donne la direction vers laquelle il doit amener sa vie. Si nous saisissons le choc planétaire présent, il est absolu que dans ce choc planétaire présent, soit le coronavirus, qu'il y a une fragilité dans tous les mentales et que la santé mentale des sociétés sera largement affectée dans les années à venir. Pourquoi est-ce que les États se referment-ils l'un après l'autre? On réalise à quel point l'homme est fragile dans la masse et que les États n'ont pas ce qu'il faut au point de vue gouvernement pour élever la conscience des masses. Symboliquement, la structure mentale des gouvernements est celle-ci. Elle doit assurer la protection des individus, mais elle n'a pas encore acquis l'émergence d'élever le mental de l'individu à ce que veut dire la vie. Et c'est pour cela que les gouvernements seront plus ou moins efficaces dans les mesures qu'ils prendront pour contrer la crainte. Mais tant qu'il n'y aura pas de choc encore plus grand, ces gouvernements n'auront pas de direction pour saisir aussi qu'est-ce que doit devenir une société. Et cette société part définitivement d'une structure mentale sur laquelle s'apposera la conscience de l'individu à naître en tant qu'ego dans une forme que nous ne connaissons pas collectivement, parce que c'est individuel que cela se vit. Et qu'est-ce que c'est que cette conscience individuelle? C'est l'absolue résonance dans l'ego qu'il n'y a pas rien au-dessus de l'homme qui peut l'instruire, si lui est en mesure de comprendre ce qui se passe sur la terre. Donc, ceci veut dire que dans une structure mentale très avancée, l'homme posera la question « Est-ce que le coronavirus, c'est ceci et cela ?» et on vous répondra « oui ou non ». Donc, il y a un rapport de force avec l'événement et c'est pour cela que l'ego ne vibre pas à la crainte de la masse psychique mondiale qui sera de plus en plus grande au niveau du corps émotif puisque les consciences n'ont pas la capacité de vibrer à de l'information plus haute que qu'est-ce que les religions ont amené sur Terre. Et lorsqu'on regarde le discours des religions, on voit très bien que la structure mentale de ces discours repose toujours sur la croyance. Il y a toujours l'élément de la croyance qui est au centre, alors que la conscience mentale repose sur la structure mentale suivante. Il n'y a rien au-dessus de l'homme qui peut l'instruire de ce qu'il est si lui est en mesure de questionner l'invisible dans une conscience froide et dans une autorité absolue. Pour revenir à la structure du mental inférieur et le statut du mental intermédiaire, l'homme verra que ses facultés de l'homme à pouvoir générer de la réflexion et de pouvoir ajuster son ego à une certaine morale est très facile. Les hommes sont collectifs dans ce mouvement et ils diront qu'il y a des façons de faire alors qu'en réalité, il n'y a que l'individu qui doit s'amener lui-même à savoir ce qu'il doit faire. On ne peut pas dicter à un homme qui a une conscience supramentale et une structure mentale très définie sa liberté. C'est lui qui la définit au jour le jour. Et c'est pour cela que les sociétés, lorsqu'elles reposent sur la philosophie, la religion ou autres mécanismes de l'ego, à réfléchir, il n'y a pas pour l'homme de structure mentale qui puisse le nourrir. Et une structure mentale, c'est quoi? C'est une volonté dans l'homme à ne jamais être dépassé par les événements. Si vous avez une capacité de vous instruire de ce qui se passe et de ce qui se passera pour les années à venir, vous devriez avoir l'information suivante au préalable. C'est que la vie est un processus d'évolution et que pour nettoyer la conscience collective de la Terre, il faut des chocs. Ces chocs font souffrir l'ego et font surgir dans l'ego de la crainte. Et seuls ceux qui pourront étudier leur crainte et la nécessité de voir qu'ils sont fragiles devant un événement leur permettra par la suite d'avoir les outils nécessaires ou d'aller les chercher ces outils pour élever leur conscience. Incidemment, un livre peut-il suffire? Un livre pourra amener une vibration dans un mental, tout comme une conférence qui permettra à l'ego de monter en vibration. Pourquoi est-ce que la structure mentale repose sur la vibration? Elle repose sur la vibration parce que l'ego n'a pas dans sa structure de capacité de se réfléchir. Et la vibration a cette particularité que l'on connaît, c'est-à-dire qu'il faut être conscient pour être intelligent. Ce qui veut nécessairement aussi dire que l'homme, pour posséder la puissance de se réinventer, doit confronter ses craintes. En confrontant ses craintes, c'est ce qui l'autorise à diminuer dans lui son corps émotif et à prendre de l'expansion au niveau de son mental. Une crainte, qu'est-ce que c'est? C'est un égrégore, bien souvent, qui est supporté par des entités astrales très puissantes. Si on prend la panique, par exemple, la panique vient simplement du fait que l'ego n'est pas en mesure d'entrer dans l'œil de l'ouragan et d'y voir qu'est-ce que cela impose à une personne pour être froide. Ça veut dire que si on ne peut pas entrer dans l'œil, c'est qu'on ne peut pas traverser l'impression absolue qu'on va mourir. Et alors qu'un événement n'amène jamais la mort pour tout le monde, mais va faire vivre à des gens de grandes craintes face à la mort. Et lorsqu'on est capable, dans un événement, de dire à son double « Est-ce que je meurs de ceci? » le double vous instruira d'une réponse très claire et nette. Et c'est pour cela qu'une structure mentale permettra à l'homme dans les années à venir de confronter avec vigilance et froideur ce qui vient. Et si vous posez la question « qu'est-ce qui se passe ?», l'ego est en mesure à ce moment de saisir aussi la vibration, puisqu'il est neutre. Donc, la panique a pour issue de faire vibrer l'ego à une conscience collective, alors que la froideur a pour énergie vibrante de faire saisir à l'ego que s'il panique, il ne sera pas en mesure de voir l'exercice qui se passe pour que les forces de la lumière amènent dans son mental moins de crainte. Tout événement qui viendra a un but très précis. Est-ce que les virus qui sont sur la Terre viennent de la nécessité de l'homme de les comprendre? Pas nécessairement. Cela force par contre l'ego à saisir comment lui peut gérer l'événement. Et lorsque les cataclysmes au niveau du climat se poursuivront, ces cataclysmes auront à faire saisir à l'homme là où il doit habiter pour les éviter. La structure mentale d'un mental supérieur forcera l'homme à le conduire aux portes de ses réalités, c'est-à-dire aux portes de ses craintes. Ce qui oblige l'homme à revisiter sa conscience dans l'exercice d'une réalité, c'est qu'il n'a pas à craindre la vie. S'il la craint, c'est parce qu'il y a encore des ajustements à faire. Et pour que la structure mentale d'asseoir une étude de l'avenir qui soit neutre, l'ego ne doit pas réfléchir. Il doit être en mesure de voir quelle sera la vitalité des pensées qui entrent dans sa tête. Le mental inférieur a toujours amené dans l'homme de la crainte. Et il a toujours été assuré par la croyance que l'homme ne pourrait jamais s'élever au-dessus de la vie. Cette réalité a été étudiée par les philosophies pour la comprendre, la vie, mais jamais l'homme n'est arrivé à une réponse absolue. On n'a jamais pu expliquer la mort et on n'a jamais pu non plus saisir que la mort n'est pas la finalité d'une vie sur la Terre. Ce qui est le plus pertinent dans les années à venir, c'est la capacité de l'ego de se réinventer. Et lorsque l'ego se réinvente, il doit aussi pouvoir saisir que tout ce qui se passe dans un siècle ou d'une décennie est une finalité pour lui de se construire pour saisir où il ira cet ego dans la prochaine décennie ou dans le prochain siècle, car il est fort possible que l'homme aura à se réincarner pour finaliser son expérience planétaire dans une conscience et une structure mentale supérieure. Le mental supérieur est vibrant. Il ne compose qu'avec l'exercice continu d'une pensée qui ne se réfléchit pas. Et une pensée qui ne se réfléchit pas, c'est ceci. C'est une dimension de saisir que les chocs qui se passent ou qui se passeront dans le futur ont une nécessité vibratoire. Elles feront vibrer émotivement les égos, mais aussi il y aura des hommes et des femmes qui vibreront à une capacité d'instruire l'homme de la réalité de la Terre. Pour briser le dos des religions et pour briser le dos de la crainte, de la croyance et de la survivance de l'ego dans la matière, il faut des chocs. Puissamment, tout ce que l'ego peut décider dans le choc, c'est la gestion de son autorité sur le choc. Il doit voir si ce choc l'ébranle. Si le choc ébranle l'ego, cela veut dire que la structure mentale de l'ego s'appuie sur de la crainte. Et comment savoir quelle est cette crainte qui est derrière? Il s'agit de voir la valeur que nous donnons à la crainte, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous craignons la mort tant que cela. Car la mort veut simplement dire que peut-être nous ne sommes pas préparés, nous avons des réalités qui ne sont pas comprises et que nous n'avons pas fait le travail nécessaire et c'est pour cela que nous sommes confinés à craindre le pire. Alors qu'une personne qui investigue sa conscience dans une structure mentale établie est toujours en mesure de recevoir dans sa conscience la crainte comme étant une étude parfaite de là où elle est rendue pour soutenir elle-même son intelligence et sa volonté afin de réduire cette crainte sur son ego. C'est ainsi que si je pose la question sur la réalité du coronavirus ou de tout autre événement à venir, si je pose la question suivante, comment les chocs influencent-ils l'ego? Voici la réponse. D'abord, un ego est mis en contact avec l'émotion que cela occasionne. Et s'il est capable de se distancer de l'émotion, cet ego est aussi en mesure de voir que tranquillement, il y a de la centricité. Mais au-delà de la centricité, il doit aussi y avoir l'absence de crainte. Donc, une fois la centricité établie, l'ego peut saisir aussi s'il se compte des histoires en disant qu'il ne craint rien ou pas. Et c'est à ce moment que la réponse est totalement objective, parce qu'un ego qui est dans une centricité ne peut pas se raconter de mensonges. Donc, si je demande à mon double si je crains la vie, il me dira exactement oui ou non. Peut-être à 1%, mais ce 1% est suffisant pour amener l'ego encore à travailler et à parfaire son raffinement pour que la structure mentale qui le protégera des événements à venir soit encore plus grande. C'est pour cela que le taux vibratoire augmente et qu'ainsi, une personne est en mesure de définir ce qu'elle ne veut pas vivre à l'intérieur de ce qui se passera. En rappel, tout ce qui permet à un ego de vibrer à la crainte est de la manipulation. Parce que l'homme, dans sa lumière, a une structure mentale parfaite, c'est-à-dire qu'il peut toujours questionner ce qui se passe. Il n'y a pas de décalage entre lui et ce qu'il vit. Il y a une centricité unique, et c'est cette centricité unique qui élève donc le mental de l'ego à une plus grande vigilance face aux événements. Donc, la structure du mental inférieur repose toujours sur l'incapacité de l'ego à pouvoir monter en vibration. Et pourquoi peut-il ne pas monter en vibration, cet ego? C'est parce qu'il n'est pas en mesure de vibrer à autre chose que de la crainte. Ce qui amène donc la croyance que l'homme est mortel. Du simple fait que l'homme apprend un jour qu'il n'est pas mortel ne veut pas dire qu'il a une conscience froide. L'homme est immortel du moment qu'il peut épurer dans sa conscience tout ce qu'il y a comme structure mentale liée au fait que la spiritualité peut toujours faire vibrer l'ego à une absence de crainte, mais cela est simplement un mirage. Puisque l'union de la conscience spirituelle avec les plans infinis repose essentiellement sur ceci, sur l'espoir qu'il y a quelque chose de plus grand. Et il n'y a pas quelque chose de plus grand que l'homme. L'homme est aussi grand que l'invisible et c'est pour cela qu'il n'a plus de crainte dans son mental. Le simple fait de penser que l'invisible peut être plus grand que l'homme est de la crainte. Systématiquement, nous verrons dans les années à venir de plus en plus de chocs rapprochés. L'économie mondiale n'est pas repartie et ne repartira pas sur de grands cycles d'évolution, car l'évolution ne repose pas sur un cycle économique. L'évolution repose sur un cycle chaotique. Et plus les chaos sera rapproché, plus l'homme sera obligé d'évoluer, puisque les chocs répétitifs élimineront progressivement de la conscience de la Terre ceux et celles qui ne seront pas élus pour aller plus loin. L'avenir n'a rien d'apocalyptique, mais l'avenir nécessitera une structure mentale froide. Cette structure mentale froide vient de la capacité d'une personne à regarder aujourd'hui la vie et comment elle fonctionne, cette personne en société. Les comportements de l'ego sont toujours très représentatifs de ce qu'une personne pense. Si vous êtes incapable de vous asseoir devant le téléviseur et d'écouter les nouvelles et d'être neutre, il y a une absence de centricité et de capacité de saisir que les nouvelles ce sont simplement une capacité de vous instruire sur votre corps émotif. Mais l'homme, dans l'étude, écoutera les nouvelles différemment. Il les écoutera pour s'instruire des réalités de ce qu'il peut amener en société en son temps. Soit qu'il y aura des hommes d'État dans le futur qui pourront saisir très rapidement ce que la société a besoin comme direction. Mais ces hommes d'État, s'ils ne sont pas dans une structure mentale appropriée pour les forcer eux aussi à remettre sur le carreau leur propre vie, ils ne seront pas de grands hommes d'État. Ils pourront saisir que leur ego est en mesure de croire qu'ils n'ont pas de crainte, mais il y aura toujours cette crainte dans l'ego, puisque l'homme ne peut pas être immortel et conscient de tous les événements à venir s'il n'y a pas dans son mental la structure de saisir que les forces de la lumière feront ce qu'ils ont à faire pour amener l'homme à être dans une conscience parfaite et absolue. Ceci veut dire que l'homme est neutre, ceci veut dire que l'homme questionne l'invisible, ceci veut dire aussi que l'homme est en contact permanent avec son double. Donc, les hommes d'État qui prendront soin de la structure mentale de la société verront très rapidement que la santé mentale de celle-ci est fragile. Et ils auront à être instruits de la capacité de l'homme à se réinventer au niveau du discours de sa psychologie. La psychologie présente est une psychologie comportementale où les gens considèrent que ce qu'ils ont appris ou que ce qu'ils ont acquis comme connaissance est suffisant. Et cela ne sera pas suffisant. La structure mentale de l'homme doit venir et viendra toujours avec l'appui de son double. Le double est ce qui fournit à l'homme l'énergie de traverser l'émotion. L'émotion, c'est une impuissance dans l'ego à définir sur le tas ce qu'il vit. Et cette émotion provient toujours d'une multiplication des craintes et des mémoires qui sévissent dans le mental inférieur, qui aussi font réfléchir l'ego à une capacité de pouvoir se générer, mais d'une manière totalement intuitive et réactionnaire. Alors que la structure mentale de l'homme ne repose pas sur l'intuition, elle repose sur l'intelligence de savoir si une pensée est réelle ou non. Et lorsque cette pensée est investiguée par l'ego, l'étude qui se met en fonction dans l'homme est une neutralité de pouvoir distancer l'émotion. Si on ne peut pas distancer l'émotion, c'est-à-dire de prendre un recul en lien avec un événement, cela veut dire qu'on est trop près de l'événement pour pouvoir le saisir et le regarder avec une étude qui nous permettra de saisir aussi où on se situe. La structure mentale inférieure de l'homme est ce qui causera sa perte, puisque celle-ci n'a pas de capacité de l'instruire de la vie à un autre niveau que la croyance. Quand nous regardons la fragilité de la société actuelle dans un grand événement, on remarque qu'il y a aussi une capacité de certains hommes et certaines femmes à se mettre au-dessus de la mêlée. Mais la crainte peut agir subtilement, soit que lorsque l'ego devient saturé par ce qu'il vit, ou par une trop grande gestion émotive, c'est à ce moment-là que l'ego craque, car il n'a pas la puissance d'avoir une volonté de s'élever au-dessus de la forme. Et si vous n'avez pas la volonté de vous élever au-dessus de la forme, cela veut dire que vous la vibrez. Et cette forme, il ne faut pas la vibrer, il faut la gérer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien saisir que le vide derrière un choc est ce qui fait paniquer les gens. Alors que l'avenir pour un homme qui a une structure ou une femme qui a une structure mentale froide, l'avenir ne pose pas de problème. Il y a une quiétude constante dans l'ego parce que celui-ci sait qu'il peut questionner l'invisible en tout temps. Et c'est en questionnant l'invisible qu'on saisit la nature même de son propre ego. Puissamment, tous les hommes et toutes les femmes qui auront dans le cercle de la structure mentale la puissance de décider de leur vie ne seront pas affectés par les événements. Et comment peut-on savoir qu'on peut décider de sa vie? Cela est simple. Du moment que vous vivez quelque chose de personnel, vous le transposez dans une réalité impersonnelle. Vous êtes en mesure de voir que ce n'est pas vous qui vivez en tant que tel l'événement, mais c'est votre ego qui ne peut pas s'élever au-dessus de l'événement. Donc, les émotions que vous feront vivre une réalité doivent devenir impersonnelles et instruire votre ego de là où vous êtes rendu. Si une émotion vous permet de vous élever dans votre mental par la suite à la réalité que vous vibrez émotivement à une situation, cela est de la conscience, car vous êtes dans un processus de réalisation de saisir ce qui vous fait souffrir et ce qui vous fait amener à croire que peut-être vous étiez au-delà d'une forme alors que vous ne l'étiez pas. Les chocs à l'ego sont très simples. Ils le mettent en échec devant la vie. Les chocs à l'âme sont très simples. Ils amènent l'âme à se repositionner sur la vie, mais celle-ci ne peut pas se repositionner parce qu'elle n'a pas la structure mentale nécessaire pour confronter d'une réalité absolue ce que veut dire la vie. Donc l'âme est peut-être vibrante au niveau d'un choc, mais elle ne peut pas saisir, et c'est l'ego qui aura un jour amené cette âme à s'élever en conscience. Donc, l'ego est très important, alors que l'âme, c'est simplement un bagage mémoriel qui vous fera revivre que la vie est peut-être aussi ceci ou cela, alors que l'ego, lui, vous permettra de vous instruire que la vie n'est pas ceci ou cela. Elle est ceci et non cela quand cela se doit. Toute interférence dans l'homme qui ne l'amène pas à saisir dans une structure mentale froide que le devenir de la planète Terre a ses raisons et ses déséquilibres ne peut pas aussi percevoir tous les impacts qui sont liés à l'absolue conscience en devenir pour élever la Terre à un autre ordre de responsabilité. La responsabilité est celle-ci, c'est que l'homme doit être conscient, il doit être omniscient, il doit être vigilant des forces astrales qui agissent sur la Terre. N'imaginez pas qu'il n'y a pas de guerre sur les plans invisibles en lien avec la progression évolutive de la Terre. Il y en a. Et si l'homme ne réagit pas avec conscience froide face aux événements, il sera amené lui-ci à vibrer d'une manière chaotique, ce qui se passe. Et le chaos est l'exécution parfaite d'une forme qui doit bousculer tous ceux qui ont à être bousculés. Dans la bousculade, il y a ceux qui ne comprennent pas, la structure du mental inférieur ne leur permet pas, et il y a certains individus qui voudront la comprendre en philosophant ou en la réfléchissant, et cela donnera des solutions temporaires, mais la solution permanente et ultime est la suivante, que l'homme questionne l'événement d'une façon à savoir, est-ce que cela l'affecte lui dans sa conscience personnelle ou s'il est impersonnel pour saisir ce qui se passe? Quand vous êtes impersonnel, comment le savez-vous? Vous êtes impersonnel parce que vous choisissez systématiquement de vous instruire de l'événement et vous en apprenez toutes les formes parce que vous pouvez aller voir les émotions que cela véhicule et vous en saisissez aussi toutes les structures mentales dépendantes pour lier les consciences à une conscience de masse. Ainsi donc, vous regardez collectivement un événement et vous pouvez percevoir que la nécessité de prendre l'événement et de le mettre sur la table impose à l'ego une structure mentale. Ne pas pouvoir faire cela, c'est aussi simplement espérer que la vie se mette en place par elle-même et qu'on vous explique ou que la société vous explique ce que vous vivez. Cela ne sera jamais possible dans une conscience supramentale, puisque la structure mentale d'une conscience absolue, en lien avec ce qui se passe, revient toujours dans la finalité que l'homme ne craint pas la vie. Et si l'homme ne craint pas la vie, il peut l'expliquer, il peut la parler, et il peut répondre à toutes les questions nécessaires. Mais lorsque l'homme craint la vie, il passe en lui des valeurs et aussi des formes de discours que vous pouvez capter. Si vous saisissez froidement que les années à venir seront difficiles pour que l'ego puisse absorber ce qui vient, vous avez déjà une mesure exacte, puisque l'absorption des chocs est nécessaire et totalement utile à l'homme, puisqu'elle le dispose à regarder aussi pourquoi lui n'est pas capable de les absorber. Et si vous n'êtes pas capable de les absorber, il y a trois raisons à ceci. C'est que votre mental vibre d'abord à de la crainte, et ce que la gestion de votre capacité de vous instruire de ce qui se passe et de ce que vous vivez n'est pas suffisante. C'est ainsi que vous avez dans votre corps mental une émotion qui vous bloque. Et c'est cette émotion qui vous bloque qui fait en sorte que vous n'avez pas la certitude que ce n'est pas l'émotion qui compte, mais bien l'intelligence de savoir ce que vous vivez qui compte. Il est naturel que la structure mentale nécessaire pour affronter l'avenir passe par le double, puisque le double ne compose pas avec la crainte, il compose avec la vitesse d'un savoir absolu qui doit traverser votre mental selon ce que vous pouvez absorber. Ainsi donc, cela veut dire que l'absorption des chocs à venir que vous aurez dans votre mental est voulue par le double, parce que sa force à elle, cette lumière à descendre sur la Terre, ne pourra pas pénétrer les consciences faibles. Et donc, si vous êtes en mesure, dans le temps qui est celui-ci d'aujourd'hui, de saisir votre capacité d'absorption, vous verrez que la vitesse de la pensée astrale est réduite en vous, soit que vous avez la certitude que ce que vous vivez, ce n'est pas de la crainte, mais c'est simplement une reconstruction progressive de votre volonté à neutraliser la crainte. Pour neutraliser la crainte de l'avenir ou encore de la mort, vous avez besoin de trois ingrédients qui est de l'intelligence, de la volonté et de l'autorité. L'intelligence, c'est ce qui vous permet de saisir ce que vous vivez. La volonté, c'est ce qui vous permet de le traverser. Et l'intelligence, c'est ce qui vous permet de vous réinventer pour ne plus craindre ce que vous craignez auparavant. C'est donc une reformulation d'une valeur plus grande qui se fera à l'intérieur de vous. Donc, si le coronavirus vous interpelle et vous démontre à quel point vous êtes fragile, vous avez probablement la volonté de vous instruire davantage sur la vie, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui se vendent sur la conscience supramentale. Il est peut-être temps pour vous de faire une relecture et de revisiter certaines réalités et certaines valeurs dont vous vivez. C'est pour cela que la conscience supramentale s'appuie aussi sur une psychologie totalement révolutionnaire, soit que l'homme se réinvente sans cesse et qu'il sait qu'en appartenant une conscience plus définie, il peut ajouter à sa conscience de la certitude, soit que tant qu'on est certain que la vie n'est pas une finalité de mort, on peut saisir que la vie on la construit selon ce que l'on lui dicte à cette vie. Soit que lorsque vous êtes dans une position de ne pas pouvoir étudier une réalité avec froideur, vous exigez dans votre ego de placer de la volonté pour que l'intelligence de vous instruire, celle du double, progresse rapidement. Et les années à venir ont ceci de très précis, c'est que la progression et le temps de réaction de l'homme sera très court pour saisir ce qui se passe. Nous ne disposons pas de décennies entières pour saisir de ce qui se passe, mais nous disposons d'une décennie très précise qui est la suivante, qui a commencé en 2020. Parallèlement, il y aura des chocs très difficiles à vivre dans la décennie qui suit, puisque l'épuration du mental humain, pour qu'il devienne parfait dans une conscience plus grande, est déjà en marche. Le sort d'un homme n'est pas scellé, puisque l'homme peut interagir en conscience supramentale, c'est-à-dire que l'homme a la puissance de parler dans la matière et fait vibrer la conscience des femmes et des hommes, et c'est pour cela que le sort de la Terre n'est pas scellé simplement sur ce que la lumière veut faire. La lumière évalue énormément ce que l'homme est en mesure d'amener comme lumière dans le monde, puisque celle-ci est indispensable à la nécessité ou à la volonté des forces de la lumière de faire évoluer celle-ci. Nous ne pensons pas que l'homme est mortel. Les forces de la lumière disent ceci, nous savons que l'homme est immortel. Et lorsque l'homme est dans une capacité de générer dans son mental une étude, il n'y a jamais de crainte dans ce mental. Et c'est pour cela que la structure mentale la plus grande de l'homme est une structure mentale sans crainte. Une structure mentale sans crainte exige de l'homme qu'il puisse abattre lui-même ses craintes. Et il ne peut que les abattre dans les chocs pour saisir comment l'événement le perturbe. Et quand un événement perturbe l'ego, l'ego aura toujours la puissance de se réinventer s'il est en mesure de percer le choc et de percer l'émotion, c'est-à-dire de l'étudier et de mettre sur la table ce qui se passe. Présentement, ce n'est que la volonté d'étudier qui fera que vous pourrez être bien demain. Incidemment, si vous faites une lecture ou si vous écoutez un enregistrement audio qui ne vous permet pas d'éluder ce que vous vivez, cela veut dire que vous perdez votre temps. Pour que l'homme puisse en arriver demain, dans les jours à venir, à être plus froid, il lui faut la structure mentale de saisir qu'il n'y a rien qui se passe dont il ne peut pas avoir les réponses. Parce que toutes les réponses sont déjà là. Il ne s'agit que de les arracher. Et voilà, si vous avez la structure mentale d'arracher les réponses, cela veut déjà dire que vous n'avez que très peu d'ancrage dans votre mental.